Les chutes, non loin de Wish City. Être en compagnie de Mila sur des rails surplombant les magnifiques chutes aurait pu être un des moments les plus agréables de ma vie, si ce n'était ce grondement qui s'amplifiait. Le grondement annonciateur d'un... Un foulé-boule ! Aïe ! Quoi ? Tu viens de me péter le tympan ! C'est un foulé-boule ! Mais enlève tes mains de mes épaules ! Je t'aime bien, Squeak, mais de là... J'ai poussé Mila dans le vide et me suis élancé à sa suite. En tombant, j'ai entendu l'explosion typique du foulé-boule lorsqu'il s'extirpait de sa petite niche dans le plafond. Et je suis rentré dans l'eau bouillonnante des chutes, sentant le foulé-boule chuter derrière moi. Les gouffres, le territoire des rats. Qu'est-ce que tu fais à ramper là, toi, hein? Rien, ne mangez pas. On n'a pas le droit de te bouffer, tu le sais bien. Ratis, il veut pas qu'on te touche. D'autant plus que maintenant, tu portes les mêmes jambes que nous. C'est quoi ça, là? Ça, c'est notre maternité, petite fouine. Seigneur Ratis, je ne voulais pas être trop curieux, je vous jure. J'ai juste entendu ce bruit par là. Je croyais que les miens venaient. Te chercher? Non, personne ne viendra te sauver de nous, petite fouine. Regarde, notre maternité, seulement une vingtaine de rats. Toutes mes femmes et des milliers de rats à venir en seulement quelques jours. Vous allez être un papa? Oh, génial! Félicitations! Je te présenterai ma préférée, petite fouine, je te la présenterai avant la grande attaque. Allez, toi, ramène-le à sa cage! Viens, Ratis. Non, Seigneur! Attendez! Je veux savoir quelle maladie j'ai! Seigneur! Maladie. Celui-là me paraît correct. Tu lui as mis le produit? Professeur, venez voir. Sora semble réagir différemment. N'aie pas peur, ça va juste piquer un peu. Bouge pas, non, bouge pas! Eh merde, voilà! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce Condra, je lui ai crevé l'œil avec la seringue, il est trop énervé. Apportez-moi un autre! Tout de suite, professeur. Comme vous le voyez ici, messieurs, ces rats ont été soumis à de fortes radiations. Le polyuréthylène injecté dans différents sujets ont permis de trouver des incidences troublantes sur le genou. Laissez-moi mourir. J'ai mal! Allez, n'aie pas peur, Gora. Je te remets juste dans ta cage, tu vas aller mieux dans 2 jours. La liberté... Non ! Non, vous êtes toujours dans ma tête, hein ? Toujours. Je vais revenir, vous allez voir, je vais revenir avec les miens, vous allez récolter le fruit de vos semences. Ratis va mener les rats à la victoire, à la liberté. C'est glacial. Ça va? Pourquoi m'avoir jeté dans... Plongez! Non mais ça va pas! J'en ai marre de faire trompette avec toi. J'espère que ça refroidit tes ardeurs. Bon, c'est quoi cette merde? Eh ouais, il y en a plein sur l'eau mais ça va partir. C'est quoi ça? C'est un foulé-boule, ça tombe par moments du grand plafond. On sait pas pourquoi, on sait pas d'où ça vient. Mais ce qu'on sait, c'est que bon nombre de creuseurs se sont fait écraser par ces merdes. Bah. Allez, viens. Nous avons regagné la berge, évitant les bouts de foulé-boule qui flottaient ici et là. Tiens, prends ma main. J'ai aidé Mila à remonter sur la berge, et nos regards se sont croisés. Je suppose que je dois encore te dire merci. Et ouais, peut-être. Comme quoi, un creuseur, ça c'est pas mal de choses dans les galeries. Ça protège. Je vais te laisser continuer. Ouais, j'ai un gros piège à mettre en place ici. Ouais. Squeak. Il y a bientôt la grande fête des masques à Wish City, je... Ouais, d'accord, j'y serai. Ça te dérange pas d'avoir un creuseur comme cavalier? On portera tous des masques. Qui reconnaîtra un creuseur sous son masque? J'y serai.